Chapitre 6. Mort imprévue et inattendue de la bienheureuse Germaine, que Dieu néanmoins fait connaître en plusieurs manières merveilleuses. Tout depuis ce moment avait donc changé de face à l'égard de Germaine. Évidemment, elle allait devenir, même aux yeux du monde, grande et célèbre. Mais Dieu, dont les voies dans la sanctification des âmes justes sont tout à fait impénétrables, avait arrêté dans ses décrets éternels que précisément, à l'heure qu'on serait revenu des préventions où l'on était au sujet de sa petite servante, ce serait aussi le terme de sa carrière, et que, comme elle avait mené jusqu'alors une vie obscure et inconnue, elle la terminerait par une mort toute semblable. Que telle ait été en effet la mort de Germaine, nous pouvons le conclure de ce que le seul renseignement qui nous en soit resté, c'est qu'à l'entrée de l'été en l'an 1601, alors qu'elle comptait à peu près 22 ans, on la trouva un matin morte sous sa rampe d'escalier et sur son fagot de sarment. Pas une des personnes de la maison ne s'en aperçut. Seulement, comme le soleil était levé depuis longtemps déjà, on vint à remarquer que les brebis étaient encore dans l'étable et que Germaine n'était pas sortie contre son habitude. On envoya aussitôt un de ses frères voir ce qui était arrivé, et celui-ci trouva sa bienheureuse sœur déjà froide, modestement arrangée, et ayant un extérieur tout céleste. Or, dans le moment même où cette âme innocente se séparait de son corps, Dieu révéla à plusieurs personnes la gloire sublime dont elle allait prendre possession. Un prêtre de Gascogne qui se rendait à Toulouse, en passant cette nuit-là même dans le village de Pibrac, fut ravi en esprit, et vit une procession de saints tout éclatant de lumière qui descendait du ciel vers Pibrac, d'où ils remontaient quelques instants après au ciel, en conduisant au milieu d'eux une âme bienheureuse de plus. Il poursuivit son voyage et le lendemain, en retournant de Toulouse à Pibrac, il demanda aux gens du pays s'il était mort quelqu'un dans cette paroisse la nuit précédente. Il lui fut répondu que c'était la bergère Germaine Cousin, qui était auprès de tous en grande odeur de sainteté. Une autre vision est consignée en ces termes dans le procès de la béatification. La nuit même de la mort de la vénérable Germaine Cousin, deux religieux s'arrêtèrent pour prendre leur repos dans les ruines du château des anciens seigneurs de Pibrac, situé sur le chemin qui conduisait à la demeure des parents de Germaine, la vénérable servante de Dieu. Vers le milieu de la nuit, ils virent passer deux jeunes vierges vêtues de blanc qui se dirigeaient vers ladite habitation. Et, quelques moments après, ils les virent revenir de là ayant au milieu d'elles une autre vierge aussi vêtue de blanc et qui portait sur la tête une couronne de fleurs. À peine le jour commençait-il à poindre qu'ils entrèrent dans le village et demandèrent s'il était mort quelqu'un. Il leur fut répondu que non, parce qu'on ignorait encore que le Seigneur avait appelé à lui la vénérable Germaine Cousin. Pour terminer, la bienheureuse Germaine fut vue encore par d'autres personnes montant au ciel, accompagnée d'un chœur de 12 vierges qui lui faisaient cortège. À la nouvelle de la mort de la servante de Dieu, il y eut un grand concours de peuple pour la voir. Il y en eut encore un plus grand à ses funérailles, qui furent célébrées dans l'église paroissiale de Pibrac où elle fut enterrée. Le souvenir de ses vertus resta dans le cœur de tous comme une bénédiction. Mais il ne fut fait de manifestation publique en son honneur qu'à partir du moment où il plut à Dieu d'exalter ses mérites par d'étonnantes et éclatantes merveilles.